chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 9 à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multi-concessionnaire. On va commencer à parler de basketball. Évidemment, on va faire une chronique aux 15 jours, mais là, ça va être une chronique par semaine parce qu'évidemment, on n'a pas fini notre analyse des divisions. On en parle avec Pascal Jobin. Salut, Pascal. Bon matin, Danny. Pascal, avant tout, je veux te parler rapidement, très rapidement. Je ne sais pas si tu es un fan, je ne sais pas si tu as entendu parler. Il y a une ligue 3 contre 3 que j'ai vu passer cet été à Fox avec des anciens joueurs de la NBA. Ça a-tu un avenir, ça? Absolument. Ouais. C'est une ligue dans comme tu as vu, c'est terminé. Ça n'empiètera pas dans la NBA. Ouais. À Murray Stoudemire a joué, il y a des joueurs qui ça fait pas longtemps qui jouent plus dans la NBA qui sont dans cette ligue-là. Ouais. Le 3 contre 3, Danny, en ce moment, est devenu un événement international. Okay. Qui, si je me trompe pas, va être aux prochains Olympiques. Donc c'est devenu je pourrais comparer un peu comme le volleyball de plage en 2 contre 2. Tu comprends ce que je veux dire? OK, OK. Fait que le basketball 3 contre 3, c'est des équipes de 4 personnes. Tu peux faire un changement. C'est un basketball beaucoup plus physique. Avec l'arbitrage, avec les règles dans cette ligue-là qui était partie, si je me trompe pas, puis qui est parrainée par Ice Cube, l'acteur, le chanteur, le rappeur populaire. C'est une ligue qui recouvre, qui coûte, toutes les célébrités sont là. Tous les gros joueurs de la NBA qui ont joué dans la NBA sont là. Allen Iverson était entraîneur d'une équipe l'année passée. John Carter, que je voulais voir tous, qui était ici à Montréal, que j'ai eu la chance de côtoyer dans un événement sur la Rive-Sud. Lui est entraîneur, joueur dans une des équipes, l'équipe qui a gagné cette année en plus le championnat. Quand j'y ai parlé avec il y a deux semaines quand la NBA était à Montréal, ils veulent agrandir ça même au Canada avec les plus jeunes, tout ça. Donc le 3 contre 3 est devenu un événement, est devenu une compétition qui de plus en plus fait partie de compétitions internationales. Donc c'est quelque chose qui me surprend pas. Puis là, avec la NBA, avec ces joueurs-là, il y a des joueurs qui vont l'utiliser pour même aller se chercher un contrat pour démontrer qu'ils sont encore capables de jouer. Donc non, c'est toute une ligue, c'est sérieux. C'est des événements qui vont jouer dans différentes arénas. Ouais. C'est un petit peu comme la WWE. Ouais. Sauf que c'est pas truqué. Fait que là, il va avoir, mettons, ils s'en viennent au Centre Bell, ils vont jouer 3 matchs ou quatre équipes vont se présenter pour un événement. Fait que là, il y a un horaire de ville. Puis ils vont jouer dans des arénas, là. Puis ils vont jouer comme c'est un demi-terrain. Fait qu'ils vont chercher facilement un 5 à 15 000 personnes par événement. Puis non, c'est vraiment le fun. Tu as une chance, là, t'iras sur YouTube pour voir la finale, là. Tu vas voir que c'est du bon basket. Puis c'est différent, 3 contre 3, mais c'est quelque chose d'intéressant. La ligne de lancer de 3 points, es-tu à la même place? Chose, sauf qu'il y a deux spots, si je me trompe pas, de 4 points. Ah, OK. Ouais. Fait qu'il y a deux tirs de 4 points, là. Deux endroits sur le terrain qui est identifié. Si tu rentres un tir de là, c'est 4 points. À 3 contre 3, ça va être encore plus rapide comme jeu? C'est rapide. C'est très physique. OK. C'est très physique. Okay. Puis ça permet à des joueurs un petit peu plus vieux de pouvoir jouer, qui sont moins en forme, parce que là, tu cours pas le terrain. Fait que c'est quelque chose, mais c'est très physique. Les arbitres laissent le jeu coup de coude, poussage, c'est très physique. Okay. Mais ça va vite parce que l'arbitre touche pas à la balle. Okay. Une fois que t'as fait un panier, tu dois aller dans un endroit pour le mettre en jeu, puis ça va vite. C'est vraiment. Puis c'est un match de pointage en passant. Fait que la première, je pense que c'est des 10 minutes, mais le premier équipe qui atteint 25, ça devient la demi. Puis la première équipe qui a 50 gagne le match. Je te donne un exemple. J'ai pas les chiffres exacts, là. Okay. Fait que c'est pas nécessairement une question de temps. Ça peut être une question de pointage aussi. Qui est en arrière de ça? C'est la NBA qui est en arrière? Ice Cube qui est parrain de cette ligue-là. C'est lui qui a parlé avec les joueurs, qui a monté le plan d'affaires de cette ligue-là. Fait que Ice Cube, c'est qui, le rappeur, acteur, là? Donc, c'est lui qui est derrière ça, mais la NBA est derrière ça aussi. OK, OK. Parlons maintenant de la division S de la conférence de l'Est. On a fait le tour de la conférence de l'Ouest. Cette semaine, on va faire le tour de la conférence de l'Est. C'est pas mal commencé. Les Raptors sont invaincus jusqu'à maintenant. Est-ce que tu penses que on l'a dit, hein, c'est l'année, ça passe ou ça casse à Toronto. C'est pas compliqué, là. L'honneur des joueurs autonomes l'an prochain, c'est la dernière année vraiment des Raptors. Laurie vieillit. Si on gagne pas cette année, je pense qu'on va passer à d'autres choses. Est-ce que tu es d'accord? Ben, pas vraiment. Finale, je te parle de finale. Je te parle de... Oui, non, mais je pense qu'à Toronto, on est. Tu sais, il y a pas, sur les 30 équipes, Danny, on est d'accord qu'il y a pas plus que 6 équipes que, au niveau de la réalité, là, ils peuvent atteindre la finale NBA. On est d'accord que les Warriors, les Rockets, tu sais, Boston, Philadelphie, ils se voient en finale. Toronto se voit, c'est finale NBA. Champion de l'Est, saison régulière, champion de l'Est. Fait que l'année passée, c'était une déception. On était déçus, on s'est débarrassé de l'entraîneur, on s'est débarrassé de DeMar DeRozan. Mm. On les a déjà oubliés à Toronto. Mm. Nick Nurse, l'entraîneur-chef, vient d'égaler un record de début de saison. 5 victoires, pas de défaite. Ouais. Kawhi Leonard, il vient de faire oublier à tout le monde DeMar DeRozan. Puis on sait qu'en ce moment, à Toronto, le succès de cette équipe-là va peut-être faire que DeRozan, à la Paul George, qui a décidé de rester à Oklahoma City. Tout le monde pense à Leonard. Tu parles de Leonard, toi, là. Non, mais Paul George, lorsqu'il a quitté Indiana pour aller à Oklahoma City, avait dit qu'il ne resterait pas à Oklahoma City, qu'il s'en allait à Los Angeles. Kawhi Leonard a dit qu'il veut rien savoir de personne à part Los Angeles. Mm. Sauf que là, il est à Toronto, il accepte la situation. Fait que c'est une lune de miel aussi, parce que si cette équipe-là performe, c'est une équipe quand même jeune. Là. Karl Lowry, c'est pas vieux, ça, là. C'est à quoi, 32 ans, Karl Lowry? Peut-être un petit peu plus loin, il faudrait qu'on vérifie. Ouais. Mais c'est une équipe quand même. Regarde cette équipe-là, ils ont 10 joueurs, ils ont des jeunes. C'est pas une équipe très vieille, là, Danny. Là. Le noyau de joueurs, là. Je te parle du noyau de joueurs qui. Ouais. Tu sais, t'as pas de grands joueurs vraiment d'avenir. Ça passe ou ça casse cette année? T'es pas d'accord avec moi? Quand je dis ça passe, faut. Je suis d'accord avec toi. Il y a des Pascal Siakam, Van Fleet, Valanciunas. Écoute, Danny Green, il est pas. C'est quand même une équipe là, qui, pendant une couple d'années, peut performer à un très haut niveau. Là. Mais t'as Philadelphie qui pousse encore. Ouais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que s'ils ne se rendent pas en finale de l'Est, Kawhi va probablement partir, puis il va probablement avoir des échanges. On est d'accord avec ça? S'il ne gagne pas l'Est. Fait que c'est sûr que s'ils ne se rendent pas en finale, je suis à 100% d'accord avec toi. Qu'il va avoir des changements. Mais c'est une belle équipe, là. C'est une belle équipe qui peut jouer quelques saisons si Kawhi Leonard décide de rester à Toronto. On est d'accord avec ça? Oui, mais ça va dépendre de Leonard. C'est ça que je te dis. Si Leonard n'est pas joueur autonome, quitte Toronto, là, on parle d'une équipe compétitive qui fait les séries, mais jamais d'équipe pour gagner, pour se rendre à la finale. C'est ça que je veux dire. Donc, là, oui, je pense que c'est vrai. Il y a quand même. Très bon prospect à Toronto en ce moment, là. Faut pas. Le Brésilien Carabolo, il a jamais joué avec les Raptors. Non, ça a été une petite erreur. On n'en parle pas. OK. Donc, tu sais, parce que les derniers choix repêchage, il n'y a pas eu de choix cette année. Il n'y a pas une super relève. Tu parles de Siakam, mais tu parles de. C'est pas une super relève, là. Mais. Honnêtement, Danny, si tu regardes cette équipe-là de 1 à 10, il y a des jeunes joueurs que les 29 autres équipes de l'NBA veulent signer, incluant Van Fleet. Okay. Et Norman Powell, il commence à performer avec son contrat. Il y a de jeunes joueurs. Non, c'est une équipe intéressante. OK. Fidèle Boston va pousser Toronto. D'abord, on s'accorde pour dire qui est les trois premiers. Boston, Philadelphie, Toronto. Probablement Toronto, Boston et Philadelphie en or. Toronto, Boston, Philadelphie. Ouais, OK. Toronto, Boston, Philadelphie. Ça, c'est mon ordre. OK. Les Celtics, eux autres aussi, c'est une grosse main. Ils doivent s'ajuster, Danny, au retour de Hayward puis de Kyrie Irving. Okay. Kyrie Irving, il n'est pas en shape, il n'est pas en forme physique. Là. C'est pas, il ne performe pas. L'équipe ne performe pas en ce moment. Mm. On doit s'ajuster. Fait que les joueurs vedettes de l'année passée, ils ont des rôles différents. Fait que là, on va voir le talent de l'entraîneur Brad Stevens. Est-ce qu'il est capable de gérer tous ces égos-là? Parce que c'est pas facile. Steve Kerr, on oublie que Steve Kerr doit gérer d'énormes égos. Que ce soit Green, que ce soit Durant, pas pareil, hein? Curry, Klay Thompson, Iguodala, je veux dire, il y en a, là, DeMarcus Cousins, c'est bien plus gérer les égos puis trouver une façon d'introduire tout le monde dans un système que le système lui-même. Fait que Brad Stevens, l'année passée, ses deux joueurs supposés vedettes ne jouaient pas. Ils ont eu un succès phénoménal. Et là, tu viens de prendre le même groupe et t'ajoutes deux joueurs qu'eux se disent, un, le ballon, je veux l'avoir, puis deux, les 35 minutes, c'est moi qui les a, c'est pas toi. Fait que là, c'est pas facile de balancer tous ces égos-là. Et ça va être là que Boston... Pour moi, Boston a de la misère en début d'année à cause de cet ajustement-là. Puis Gordon Hayward, il est pas physiquement à 100% pour jouer un match NBA. Et Kyrie Irving, depuis son opération à son genou, c'est pas le même Kyrie Irving qu'on va voir peut-être en décembre, mais en ce moment, c'est pas le Kyrie Irving, Danny, qu'on a connu avec Cleveland. OK. Il y a donc une remise en forme à faire. Troisième, Philadelphie. Philadelphie, je m'attendais, moi, qu'on allait être plus actif sur le marché des joueurs autonomes pour vraiment, là... Vraiment. Ils l'ont été, Danny. Ils ont pas eu les joueurs qu'ils voulaient. Ouais. Ils n'ont pas eu Kawhi, ils ont été actifs. Pour... Eux autres, c'était soit qu'on va signer des grosses vedettes ou on reste comme on est. Okay. Ils ont signé J.J. Redick. Qui n'est pas un mauvais vétéran, là, mais entourer ces jeunes-là, parce qu'il y a vraiment de l'avenir à Philadelphie, c'est incroyable. Il ne faut pas oublier que Fultz, qui a presque pas rien dépensé, lui, il fallait l'intégrer dans le système. Fait qu'on n'avait pas... C'était soit un LeBron ou un Kawhi Leonard, ou un Paul George, une fois que que les méga stars étaient pas disponibles, ils étaient pas prêts à faire de changement. OK. Donc, quatrième. Milwaukee, qui est un nouvel amphithéâtre, est-ce que les Bucks pourraient être en quatrième? Ben, les Bucks sont en deuxième en ce moment, si je me trompe pas, mais dans l'Est. Ouais. Avec probablement le meilleur joueur de l'Est depuis le départ de LeBron James. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'Est. Ouais. Il y en a qui vont peut-être dire que Kawhi Leonard offensivement, défensivement, mais moi, je pense que le meilleur joueur de basket dans l'Est, c'est Giannis Antetokounmpo. Phénoménal, ce qui fait l'équipe, nouvel entraîneur, un nouveau système. On savait qu'ils étaient reconnus pour une très bonne défensive, mais là, j'aime voir beaucoup plus de tirs de trois points. On attaque le panier. Donc, en ce moment, Milwaukee sont très, très dangereux. Et avec Giannis, c'est le LeBron James, le futur. Là, c'est un 6 pieds 11. Hein, qu'on l'appelle. Le Greek Freak. C'est un gars de 6 pieds 11 qui fait tout. Puis là, on voit en début d'année, Danny a commencé il a ajouté une autre flèche à son arc et tire de trois points. Oui, effectivement. Au cinquième rang, écoute, ça pourrait-tu être les Pistons de Détroit, les Pistons qui ont commencé l'année passée avec Blake Griffin qu'on a acquis des Clippers. Et là, on est allé chercher Dwayne Casey. Les Pistons, ça fait quand même une couple d'années qu'on n'a pas atteint les séries. Est-ce qu'on peut les placer au cinquième rang? Ben, je pense que oui. Là, on voit un Andre Drummond, qui a l'air de bien s'entendre avec Blake Griffin. Blake Griffin qui a connu un match, tu as vu dernièrement, 50 points, avec une victoire, tout un match de basketball. Reggie Jackson, qui a l'air en santé. L'ancien entraîneur, Stan Van Gundy, il a presque tout donné pour aller chercher Blake Griffin. On savait qu'on avait besoin d'un méga star à Détroit. Je pense qu'on l'a trouvé avec Blake Griffin. Je pense qu'il se plaît à Détroit. Une équipe qui est en santé, ils vont être très dangereux. Fait que moi, je suis d'accord avec toi pour avoir les Pistons en cinquième place. Et surtout que Dwayne Casey, c'est le genre d'entraîneur qui peut, c'est le genre d'équipe qui peut amener loin, là. Ouais, absolument. Donc, Ils ont tout. Un centre athlétique spectaculaire. Ils ont trois joueurs, selon moi, qui peuvent faire le match d'étoiles, qui est Reggie Jackson, Andre Drummond et c'est sûr, Blake Griffin. OK. Au sixième rang? Ça commence à être dur. Je pense qu'on va aller avec Indiana. Oui, OK. Indiana, selon moi, est une équipe... On a vu ce qu'ils ont fait l'année passée, donc c'est une équipe qui pourrait... Indiana, Danny, là, d'ici Noël, pourrait se promener entre le deuxième et le sixième rang, septième rang, selon moi. Okay. C'est une équipe dangereuse avec de l'expérience. Là, on est prêt à jouer contre les Pacers. L'année passée, on était un petit peu surpris. Là, on est prêt. On sait à quoi s'attendre. Donc, les équipes se préparent beaucoup. La façon que je t'explique ça, c'est que l'année passée, on disait, on va à Indiana, ça va être facile. Mm-hmm. C'est plus facile. On sait qu'on doit se préparer. Fait que ça va être intéressant de voir aussi de voir la continuité du succès de Victor Oladipo. OK. Au septième rang, on pourrait voir les Wizards? Absolument. Les Wizards. Je pense que. Ouais. Avec Wall, avec Bill. Puis, tu parlais de Toronto. Cette année, c'est la dernière année, là, de ce groupe-là. Selon moi, c'est une année importante pour Washington de bien faire. Puis je pense qu'eux autres, ils se voient dans les top 4. OK. Fait que c'est une tu sais, moi je pense qu'ils sont pas vraiment là. Je pense qu'il y a une décision à prendre entre Wall et Beal. Donc ça serait intéressant de les voir, mais c'est une équipe toujours dangereuse. John Wall est toujours dangereux. Huitième. On sait que on va éliminer les Knicks puis les, les Nets. Je veux t'en parler des Knicks, mais continue avec ta huitième rang. Les Knicks, je veux te parler des Knicks puis des Cavaliers après. Les Knicks, les Nets sont pas là. Les Hornets, je suis pas sûr. Qui me reste là, Danny? Là? Il te resterait les Bulls, non? Peut-être les Hornets avec Kemba Walker. OK, OK. Donc, on va aller avec les Hornets en 8e place. Par respect pour mon ami Michael Jordan. OK. Moi, je veux te parler des Knicks. Les Knicks, ça fait des années qu'ils croupissent d'un bas-fond. Ça va pas bien. Écoute, moi... Ça va continuer à parler. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là? Parce que les Knicks, ça, auparavant, c'était les Knicks, les Bulls, les Celtics, Philadelphie. Les Lakers. Je pense que New York, avec Phil Jackson, là, Danny, là, ça a mal été géré. Faut pas que tu oublies que leur meilleur joueur, qui est un des meilleurs joueurs de la NBA, Porzingis, est blessé en ce moment. On parle de l'échanger, on parle pas qu'il n'y aura même pas, on parle de ça, hein. Comment? On parle de qu'il était dans ses derniers milles dans la grosse pomme. T'as-tu vu ça passer? T'as probablement pas tort. Peut-être qu'il va prendre son temps pour revenir. Ça sert à rien de se dépêcher à revenir jouer pour une équipe qui est pas bonne, là. Mais avec Fizdale comme entraîneur, je trouve que c'est un bon choix d'entraîneur. Kevin Knox qu'on a été chercher. On n'a pas vraiment de star. On a besoin de Porzingis. En ce moment, la meilleure chose que les Knicks peuvent faire, c'est attendre Kyrie Irving. OK. Brooklyn et New York attendent Kyrie Irving. On sait que c'est un kid de New Jersey. Puis je pense qu'avec ce qui se passe à Boston, je serais pas surpris, moi, de voir Kyrie quitter les Celtics pour aller soit à New York ou soit... Il veut être la vedette. Il sera pas, là. Jason Tatum est rendu la vedette de Boston. Ouais. Fait qu'il a quitté Cleveland parce qu'il aimait pas être en dessous de LeBron James. Il pourrait être en dessous de Jason Tatum, un recrue qui a démontré qu'il est un des meilleurs joueurs dans la NBA en ce moment. Mm. Fait que moi, je serais pas surpris de voir Kyrie Irving quitter Boston pour parce qu'il devient un joueur autonome aussi pour les Knicks. Fait que je pense que la meilleure chose que les Knicks doivent faire, c'est pas faire les séries puis aller chercher un bon choix en première ronde et de garder le plus d'argent possible pour aller chercher Kyrie Irving. Parce que c'est tout croche dans cette organisation. Écoute, ça me surprend que les Knicks, parce que les Knicks c'est un petit peu c'est des équipes de tête de la NBA puis ça fait des années qu'ils coupent dans les bas-fonds. On semble pas avoir de plan. Je suis très, très, très, très, très surpris que de voir les Knicks qui montent pas plus que ça. Je suis d'accord avec toi et je pense que la Ligue aimerait ça voir. La Ligue était très contente de voir LeBron James à Los Angeles. Ça fait 5 ans que les Lakers n'ont pas fait les séries. Ouais. On espère que ça va être une année fructueuse. OK. Les Cavaliers, écoute, LeBron est parti. C'est fini. Ça va être à peu près comme quand il est parti la première fois? Ouais. Okay. Puis peut-être pire. Parce que quand il passait la première fois, on a été chercher Kyrie Irving, on a eu de la misère. C'est pas Kevin Love. Kevin Love, à Minnesota, avait des super matchs, mais l'équipe faisait rien. Okay. Et ça va faire la même chose à Chicago. Okay. Excuse-moi, à Cleveland. OK, effectivement. Pascal, un gros merci. On va se reparler au 15 jours maintenant. Puis quand on va approcher les séries, ben, ça va être encore aux semaines. Ça fait plaisir, Danny. À bientôt. Voilà, Pascal Jobin qui faisait l'analyse de la conférence à l'Est.